Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Près de 30 ans après le début de l'horreur dans laquelle le terrorisme islamiste plongea l'Algérie durant une décennie, comment raconter et comprendre ce qu'ont traversé ce pays et son peuple dans les années 90 ? Quels mots peut et doit écrire l'historien sur ces pages les plus noires de l'histoire algérienne entre lesquelles reposent 150 000 ou 200 000 victimes ? Au début du mois d'avril 2019, alors qu'en Algérie, face aux manifestations monstres qui se multipliaient dans tout le pays depuis des mois, le pouvoir se voyait contraint de sacrifier l'ombre qu'était devenu à sa tête le président Abdelaziz Bouteflika, la Fabrique de l'Histoire consacrait une série de 4 émissions à l'histoire de l'Algérie depuis le 19e siècle. Dans le deuxième volet de cette série, Emmanuel Laurentin et son équipe revenaient sur la décennie noire des années 90 en tentant de comprendre ce qu'était, dans l'Algérie de 2019, les enjeux politiques sous-jacents aux divergences des différents récits et analyses de cette guerre civile. Algérie, naissance d'une nation, le traumatisme de la décennie noire, deuxième numéro d'une série de 4 émissions, diffusé la première fois le 2 avril 2019 sur France Culture. Deuxième temps de notre série titrée « Algérie, naissance d'une nation », aujourd'hui la décennie noire des années 1990. Aujourd'hui avec Séverine Yattar qui co-animera cette émission avec nous. Nous allons ce matin nous plonger dans les années 1988 et 2005 dans une Algérie tiraillée entre ouverture politique et violence politique avec Laetitia Bucaille. Elle est professeure de sociologie à l'INALCO, auteur du Pardon et la rancœur, ex-combattant algérien, français et sud-africain. Comment enterrer la guerre chez Payot. Tristan Leperlier est également avec nous. Il est chercheur en littérature et sociologie et auteur au CNRS édition de Algérie, des écrivains dans la décennie noire, issue de sa thèse soutenue en 2015. Septembre 2005. Nous sommes à Larba, 30 km d'Alger. En 2000, les islamistes locaux ont déposé les armes, ils ont été amnistiés. Et ils sont revenus vivre en ville, à côté de leurs anciennes victimes. J'habite à Larba et je vois toujours, tout le temps, les terroristes qui marchent, qui circulent librement ici. On a demandé que ces criminels-là doivent juger, mais il n'y a rien. Alors demain, Amina n'ira pas voter la charte de réconciliation proposée aux Algériens par leur président. Je ne vote pas celui qui a égorgé ma sœur. Je ne le pardonnerai jamais. Il y a aussi le Dieu. Dieu ne pardonnera jamais. Mustapha Kartali agissait au nom de Dieu. En 92, le maire de la ville avait pris le maquis, était devenu l'émir de Larba. Désormais repenti, il refuse l'interview, mais il nie toute responsabilité dans la mort de la petite fille, tuée, dit-il, par des jeunes incontrôlés. Aujourd'hui, il appelle à voter la réconciliation, car si l'on juge tous les crimes, alors, dit l'émir, on n'aura pas la paix. Car lui aussi a perdu un fils, enlevé en 96 par les militaires. Des milliers de familles algériennes accusent les forces de l'ordre d'avoir tué leurs enfants pendant la répression antiterroriste. Plus de 6000 cas de disparus ont été reconnus. La charte prévoit une prise en charge de leurs familles, mais beaucoup refusent. Elles craignent que la charte n'empêche les poursuites. Il y a des tribunaux internationaux. Il y a comment on appelle ça, la Cour de la Haye. Hein, il y a l'ONU. Comment pourrais-tu nous empêcher ? Oui ou non à la paix ? En réalité, avec le référendum de demain, les Algériens ont à répondre à une question digne d'un bac de philo. Peut-on arriver à trouver la paix sans passer par la justice ? Voilà, une archive tirée du journal de France 3, le 19-20, c'était le 28 septembre 2005, pour ouvrir notre émission d'aujourd'hui consacrée à la décennie noire. Bonjour à vous, Séverine Yatar. Bonjour. Bonjour Tristan Leperlier. Bonjour. Et bonjour Laetitia Bucaille. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de ces politiques de réconciliation, ces politiques de sortie de crise ou de guerre civile. Et quand vous entendez ce reportage qui date donc de 2005, au moment justement du vote sur cette charte de réconciliation nationale, il vous rappelle effectivement que les situations sont souvent complexes à ce moment-là, et on entend effectivement des maires devenus émirs dans cet exemple, des maires qui accusent d'avoir eu leur fils assassiné par la police ou par la gendarmerie algérienne, et une situation très imbriquée, très difficile à dénouer d'une certaine façon. Oui, bien sûr, il y a eu des morts de part et d'autre. Mais le choix qui a été fait en Algérie, c'est l'oubli et c'est le silence. Puisque la charte de réconciliation prévoit une amnistie pour les crimes commis par les islamistes, même si, en théorie, les crimes de sang sont exclus de cette amnistie, sauf qu'aucune enquête n'a été ouverte et que, effectivement, tous les islamistes repentis redescendus du maquis qu'on interviewe, que les journalistes interviewent, prétendent avoir fait le ménage et la cuisine au maquis et pas grand-chose d'autre. Et on amnistie également les forces de l'ordre qui sont parfois responsables d'enlèvements et de disparitions. Donc on a ces amnisties. Et puis la charte, il y a un article dans la charte qui invite qui met en garde contre l'instrumentalisation des blessures de la tragédie nationale, c'est ainsi qu'est nommée la guerre civile. C'est pas une guerre civile. Oui, c'est ça. Comment on appelle ce... Alors, du point de vue du pouvoir algérien et du point de vue de nombre d'Algériens, c'est certainement pas une guerre civile, parce que dire que c'est une guerre civile, c'est reconnaître le combat fratricide, reconnaître le conflit qui est à l'origine de cette guerre civile. Et comme le pouvoir algérien a toujours eu à cœur de démontrer l'unanimisme de la nation algérienne depuis même la guerre de libération, il s'agit de maintenir cette fiction de l'unanimisme. Donc tragédie nationale, c'est un peu comme si les dieux s'étaient abattus sur l'Algérie et leur avaient envoyé plein de misère. Mais évidemment, il y a une volonté politique, Laetitia Bucaille, de la part du gouvernement, justement, de que l'amnistie soit donnée aux anciens maquisards et que les victimes soient sur un même plan, c'est-à-dire pour que celles-ci ne puissent pas porter plainte non plus contre le gouvernement. Oui, aux anciens islamistes armés. Oui, effectivement, le gouvernement, le pouvoir a voulu protéger sa propre administration, ses propres policiers de plaintes éventuelles pour les disparitions. Les associations de droits de l'homme estiment qu'il y a à peu près 18 000 cas de disparition. Et on estime que la guerre civile a fait entre 100 000 et 200 000 morts. Oui, alors c'est un peu large. C'est une fourchette totalement gigantesque, d'une certaine façon, entre du simple au double. Les associations de droits de l'homme s'approchent plutôt des 200 000. Et alors, évidemment, cette charte de réconciliation nationale de 2005 a fait beaucoup pour le prolongement au pouvoir de personnalités comme celle que nous connaissons aujourd'hui, à savoir Abdelaziz Bouteflika. Et pendant longtemps, on lui a rendu grâce, d'une certaine façon, d'avoir remis, comme on disait, le pays sur ses rails et éviter justement le redémarrage d'un conflit qui avait ensanglanté l'Algérie. Et on disait d'ailleurs souvent, avant les événements derniers, eh bien que l'Algérie ne rentrerait pas dans un système de révolution populaire parce que elle avait trop peur de se retrouver face à face avec ces anciens conflits qui n'étaient pas totalement terminés. Oui. Tout à fait. C'est-à-dire que, bien sûr, dans le reportage, on a entendu des personnes qui sont touchées de près par cette guerre civile, qui ont des morts dans leur famille, mais dans la société algérienne, même si beaucoup d'Algériens ont trouvé que le règlement de cette question était très injuste, en même temps, le soulagement a été aussi très important. C'est-à-dire que sortir d'une période où on ne sait pas, quand on part le matin, si on va rentrer chez soi et si sa propre famille va rentrer à la maison, c'est un immense soulagement d'accéder à la paix. Donc, pour cela, c'est vrai qu'il y a eu quand même une certaine reconnaissance vis-à-vis de Bouteflika pour cette raison-là. Mais bien sûr, la situation n'est pas la même dans des grandes villes où on ne connaît pas forcément son voisin et qui a fait quoi, à des petites localités où là, les gens se retrouvent vraiment face à face. Et d'ailleurs, vous dites, à un moment, vous citez, parce que vous avez fait des interviews, évidemment, Laetitia Bucaille, et vous dites ces personnes, enfin, où il y a eu des interviews, évidemment, qui ont été faites par rapport à ces victimes, et certains disent, oulala, heureusement, je n'ai pas vu les assassins. J'ai vu que des cadavres. Du coup, voilà. Manque comme ça la possibilité aussi de témoigner, d'accuser potentiellement uns et les autres. Oui, c'est-à-dire que dans la guerre civile, ce qui s'est passé, c'est quand même que les islamistes qui devaient gagner les élections et dont certains ont pris les armes, ont été soutenus par une partie de la population. Dans certaines villes, on avait voté pour eux, etc. Mais à un moment donné, ces islamistes armés se sont retournés contre la population qui les avait soutenus parce qu'elle les trouvait trop tièdes, qu'ils donnaient pas assez, etc. Et donc, il y a eu des massacres terribles en 1997, 1998. Donc, c'est vrai que pour une partie de la population algérienne qui était en ligne directe de cette violence terrible, en fait, ils n'y comprenaient plus rien. C'est vrai qu'il y a eu aussi tout un tas de règlements de comptes dans certains villages, etc. Et le matin, on se levait, on voyait des cadavres et on n'essayait pas forcément de savoir qui était responsable. Et on voulait bien sûr se tenir le plus loin possible de cette violence. Alors Tristan Leperlier, si on redémarre au début de cette histoire, puisque nous avons commencé par la fin, par 2005 et cette charte de réconciliation nationale avec Laetitia Bucaille, il faut remonter à quelle période, sans remonter à la colonisation, sans remonter, pourquoi pas d'ailleurs, à la guerre d'Algérie. Quand est-ce qu'il faut prendre un point de départ pour pouvoir se dire historiquement, bien, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui va, disons, se développer de façon violente et terrible à partir du début des années 1990, donc avec l'élection du fils aux élections municipales et puis plus largement aux législatives ensuite. Alors, c'est très difficile, en fait, souvent, de trouver une chronologie juste. Et à chaque fois, on se rend compte que le choix des dates est éminemment politique. Donc, il y a, pendant les années, pendant la guerre civile, il y a une forme de débat pour savoir quel est le début de la guerre civile. Certains disent c'est janvier 92, au moment de l'arrêt du processus électoral. Qui avait conduit, donc, le fils a gagné, le Front islamique du salut a gagné les élections législatives. Voilà, donc dire ça, c'est dire que ce sont les militaires qui sont à l'origine de la guerre civile et qui ont fait un coup d'État. Dire que c'est en juin 91 que commence la guerre civile, c'est mettre le projecteur sur le fils et dire que c'est la grève générale lancée par le fils qui est à l'origine de la guerre civile. Certains font remonter ça à 88, les émeutes populaires de 1988, qui ont abouti à la démocratisation, à la libéralisation du régime. Mais certains considèrent que c'est parce qu'on a mis en cause le régime du FLN qu'à la fin il y a eu la guerre civile. C'est un argument qu'on retrouve depuis 2011. Et puis il y a officialisation du fils aussi à ce moment-là. Oui, mais après, voilà. Donc évidemment, bon, il y a différentes dates, mais ouais, ça c'est un peu les trois grands jalons qui marquent des oppositions politiques entre les acteurs. Et donc c'est l'argument de 88, c'est un argument qu'on a retrouvé en 2011 au moment des printemps arabes. Oui, alors vous dites généralement dans votre travail sur l'Algérie, les écrivains dans la décennie noire, paru aux éditions du CNRS l'année dernière, Tristan Leperlier, que déjà il faut se mettre dans l'optique que le FLN, qui était donc parti unique jusqu'à cette période-là, était un parti qui était composé de tendances diverses et que ces tendances vont finalement se diviser et s'éclater ensuite, et que parmi les tendances il y avait les nationalistes, dites-vous, les fondamentalistes, les marxistes, les berbéristes, les libéraux, et que ces cinq tendances-là donc étaient disons à l'œuvre dans un FLN qui semblait, comme le disait Laetitia Bucaille, unis, mais qui en fait étaient profondément divisés, tiraillés entre diverses possibilités politiques pour l'avenir de l'Algérie. Oui, tout à fait. Vous avez tout dit. Effectivement, le souvent de France, on a tendance à plaquer sur le d'ailleurs les termes sont clairs, le régime algérien, le pouvoir algérien, une idée de d'homogénéité, alors que c'est beaucoup, évidemment beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Donc c'est... Oui, et donc il y a là-dedans des fondamentalistes, avec en particulier les oulémas musulmans, des marxistes, des berbéristes, qui vont évidemment prendre des positions totalement différentes les uns les autres vis-à-vis de la situation à partir du moment où elle va évoluer et où justement après octobre 1988, les émeutes, la répression de ces émeutes en octobre 1988 autour en particulier de la question de la berbérité par exemple, et ensuite effectivement la libéralisation du régime à partir de 1989-1990, eh bien tout cela va éclater, va donner des tendances différentes qui vont d'ailleurs s'entrechoquer au moment du début de la décennie noire. Oui, oui, tout à fait. Et en même temps, les lignes de fracture pendant la guerre civile ne correspondent pas du tout à ces grosses catégories qu'on a mises en avant. Il y a énormément de mouvements. Et donc les oppositions de la guerre civile ne correspondent pas exactement à ces oppositions politiques des années 80. Et Laetitia Bucaille, vous les retrouvez forcément transformé, vous qui travaillez sur le processus qui a suivi justement la charte de réconciliation nationale et la façon dont on peut sortir d'une situation comme celle de l'Algérie dans les années 90, vous les retrouvez évidemment transformés, modifiés par justement les conflits, les assassinats, le nombre de morts et de disparitions, ces tendances-là à la toute fin de cette période-là ou pas du tout? C'est-à-dire que Le débat autour de la charte de réconciliation, c'est-à-dire que ce qui avait d'ailleurs freiné ce processus, c'est qu'il y avait une opposition entre ce qu'on appelle les réconciliateurs au sein du pouvoir et les éradicateurs, ceux qui étaient partisans donc d'en finir complètement avec les islamistes, de régler le problème d'une manière militaire. Et il faut dire que quand même la question a été réglée en partie militairement, parce que le pouvoir algérien a considérablement modernisé son armée pendant cette décennie-là et a quand même très largement asséché les maquis, avec l'aide d'ailleurs de milices de civils. Hein. Le pouvoir algérien a armé les civils. C'est aussi pour ça que on peut quand même opter pour le terme de guerre civile, c'est-à-dire que il y a des civils qui sont constitués en milices, groupes de légitime défense pour défendre leur quartier, leur village, et puis les patriotes qui sont ces moudjahidines de la guerre de libération nationale qui ont repris du service et qui ont épaulé l'armée dans leur lutte contre les islamistes. Donc, mais finalement, avec Bouteflika arrive à imposer cette solution qui avait déjà été amorcée par son prédécesseur, d'offrir la possibilité aux islamistes armés de se rendre. Alors Tristan Leperlier, fin des années 80, tout début des années 90, il y a donc ce processus d'ouverture politique qui va conduire à la possibilité d'élections plus libres qu'auparavant. Ces élections vont être vaincues, on l'a dit, par le Front islamique du salut pour les municipales en 1990, puis en 1992 pour les législatives. Et c'est là, effectivement, où il va y avoir l'arrêt du processus électoral. C'est un moment très important, oui. Allez-y, si c'est plus le cas, si vous voulez intervenir. Non, mais c'est-à-dire qu'on a effectivement en très peu de temps une montée des islamistes entre 1988, le FIS est légalisé en 1989, ce qui fait débat d'ailleurs, parce que certains disent qu'on n'aurait pas dû légaliser le FIS, puisque c'est un parti qui met en avant la religion, la constitution algérienne ne le prévoyait pas, et il y a une montée fulgurante de ce mouvement politique qui très rapidement incarne la protestation, l'opposition face au régime et qui va avoir un succès tout à fait fulgurant. Mais cette officialisation du FIS, Laetitia Bucaille, il paraîtrait même qu'elle ait été en fait soutenue par le FLN lui-même pour des raisons stratégiques, pour en fait se réapproprier un pouvoir qui peut-être était un petit peu déliquescent et que en fait elle se trompe dans cette stratégie-là évidemment, puisque le FIS a vraiment prendre le pouvoir, ce qu'elle prévoit pas forcément. Oui, le pouvoir n'avait pas perdu de perdre les élections, pensait sans doute plutôt le partager. Mais il y a un livre de Myriam Aïtaoudia sur l'expérience, sur l'apprentissage démocratique de l'Algérie, qui montre que en fait le pouvoir avance à tâtons et qu'il n'avait pas forcément prévu effectivement de démocratiser autant. Il voulait libéraliser Et puis finalement, voilà, les choses s'enchaînent et il y a effectivement des élections pluralistes qui sont organisées et qui mènent à une victoire très forte. Un pouvoir qui avance à tâtons, on connaît ça ces temps-ci encore en Algérie, parce qu'on voit bien effectivement qu'il y a cette dimension-là dans la situation contemporaine. Tristan Leperlier, sur ce moment justement du tout début des années 90 et cette libéralisation qui donc va tourner mal. Ou peut-être sur la problématique des intellectuels, parce que vous, Tristan Leperlier, vous avez travaillé justement en particulier sur le rôle des écrivains, et qu'est-ce que cette guerre fait aux écrivains, et qu'est-ce que les écrivains font à cette guerre. Et donc, notamment, vous démarrez plus ou moins en 1988 pour montrer que à ce moment-là, les intellectuels, les écrivains, n'interviennent peut-être pas suffisamment, et vous essayez d'expliquer pourquoi au moment de ce moment 88 où il y a donc manifestation dans les rues de la jeunesse qui est fortement réprimée. Oui, il y a en 1988 on parle beaucoup du silence des intellectuels, alors que l'intellectuel et en particulier les écrivains sont considérés comme le parangon de l'intellectuel en Algérie. Alors c'est très inexact, hein, puisque les écrivains, les intellectuels de manière générale se mobilisent contre la torture, mais se mobilisent en tant qu'universitaires, en tant que militants des droits de l'homme, en tant que partisans du Parti communiste, le PAX, mais pas en tant qu'écrivain, et surtout, il participe peu à la politisation des émeutes, ce qu'a montré justement Myriam Ataoudia, la logique de politisation à cette période. Il participe très peu, c'est-à-dire il ne requalifie pas ces émeutes en mouvement de protestation pour la démocratisation, la libéralisation du régime. Alors pourquoi ? Parce que ils font partie d'une élite sociale face à cette émeute populaire, surtout parce qu'ils ont en tête, il faut remplacer ça dans l'histoire des intellectuels, qui est une histoire victorieuse pour la liberté d'expression. Pour eux, ils ont réussi dans les années 70 à publier, dans les années 80 il y a une forte libéralisation du secteur culturel en Algérie, donc pour eux la perspective de l'histoire à venir, leur perspective de l'histoire à venir est très euphorique. Ils considèrent que l'Algérie va aller vers la libéralisation. Donc là, la rupture leur paraît étonnante. Et surtout, parce que ce sont les intellectuels, les écrivains sont les intellectuels les plus internationalisés. Et critiquer, on est 30 ans après l'indépendance, critiquer à l'international le FLN, c'est quelque chose d'impossible. Quelqu'un comme Kateb Yassine, qui est l'incarnation de l'intellectuel engagé, aura beaucoup de mal à prendre position sur octobre 88, par exemple. Exactement, parce que c'est donner du grain à moudre aux revanchards français. Donc, et puis, il y a aussi cette dimension que vous notez, aussi une sorte de passation de pouvoir avec des écrivains institutionnalisés. Vous l'avez dit, tiens, c'est Tristan Leperlier qui passe la main à des journalistes qui vont prendre la parole, qui vont des éditorialistes et des gens comme cela, qui vont d'une certaine façon, qui ont une double casquette d'intellectuel écrivain et d'intellectuel journaliste, et qui vont prendre la parole pendant cette période de la démocratisation au tout début des années 90. Oui, c'est vrai qu'il y a une forme de d'inversion, pas d'inversion, mais de... des hiérarchies symboliques. Voilà, des hiérarchies symboliques entre les professions intellectuelles, c'est-à-dire que les écrivains perdent un peu leur rôle d'avant-garde intellectuelle à ce moment-là au profit des journalistes. Mais pourquoi ? Pour une bonne raison, c'est que précisément les journalistes, contrairement aux écrivains, étaient censurés. Et que la démocratisation ouvre leurs possibilités. Et donc, ce sont eux qui sont à l'avant-garde de la protestation intellectuelle en 1988, parce qu'ils ont, c'est leur incapacité à s'exprimer librement qui est en jeu. Et donc, ce sont eux qui portent l'avant-garde intellectuelle de la démocratisation, de la libéralisation du régime. Et ce sont eux qui sont parfois les premières victimes, justement, de ce qui se passe en Algérie, de cette décennie noire. Nous sommes en 1993, un écho sur Radio France Internationale de l'assassinat de Tahar Jaoud. Alger est toujours en état de choc après l'attentat mercredi dernier contre l'écrivain algérien Tahar Jaoud, qui se trouve aujourd'hui dans un coma très profond. Des dizaines de personnes continuent de défiler à l'hôpital où se trouve Tahar Jaoud pour manifester leur horreur de la violence. Reportage Jérôme Bastion. Quelques dizaines de personnes sont au chevet de l'écrivain Tahar Jaoud, toujours dans le coma, trois jours après l'attentat dont il a été victime. Réaction d'une anonyme. On ne comprend pas ce qui se passe. On ne sait pas d'où ça vient, qui est derrière tout ça. C'est fou, complètement. J'ai peur pour l'avenir de nos enfants, j'ai peur pour l'avenir de mon pays. Abdelkrim Jahad, directeur de l'hebdomadaire Rupture, avait créé avec lui en janvier dernier ce journal de copains, comme il l'appelle. Nous sommes en face d'une machine de guerre considérable, affolante. Nous ne pouvons plus nous laisser canarder un par un, chacun son tour, et et enterrer nos amis les uns derrière les autres. J'ai peur pour tous les gens qui réfléchissent dans ce pays. Ce matin encore, Omar Belouchette, directeur du journal El Watan, a reçu à son bureau une menace de mort signée du mouvement islamique armé. Il y a 10 jours, il échappait lui aussi à un attentat. Je crois que fondamentalement, il y a volonté de tuer tout ce qui est vie, tout ce qui est contradiction, tout ce qui est expression, tout ce qui est, j'allais dire, liberté, presse et démocratie. Et voilà, c'est un extrait du journal de Afrique Midi sur RFI le 29 mai 1993 autour de l'assassinat de Tahar Jaout. Pourquoi Tahar Jaout a été une figure importante de ce moment du début des années 1990 en Algérie? Pourquoi son assassinat a-t-il eu une importance aussi grande, en particulier au point de vue international et en France en particulier, parce que ça a été très relayé en France au tout début des années 90? Oui, alors cela, c'est vrai que on entre vraiment dans l'horreur de, ça fait, l'archive nous fait de nouveau froid dans le dos. C'est bon, voilà. Donc c'est, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là se met en place une compréhension de la guerre civile comme une guerre contre l'intelligence. Comme, c'est l'intelligence qu'on assassine. Donc la guerre civile n'est pas perçue comme dans d'autres guerres civiles. Les assassinats d'intellectuels. Alors qu'il y a des morts partout en Algérie, et pas simplement. C'est le début. C'est vraiment le début. Ouais. Mais il y a des ministres qui subissent des attentats, etc. Les assassinats d'intellectuels ne sont pas perçus comme des dommages collatéraux d'une guerre civile, mais comme vraiment le cœur de la guerre civile. Donc, alors que c'est très inexact, puisque donc ça donne l'image d'un mouvement islamiste en creux, d'un mouvement islamiste barbare, avec l'opposition qui va se mettre en place entre le livre, le Coran, et les livres de la diversité intellectuelle, etc. Alors que bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tahar Jaout, c'est un intellectuel. Il est présenté dans l'extrait comme un écrivain, et c'est vrai. Mm-hmm. Mais il est aussi journaliste. Ouais, avant tout, à ce moment-là, il dirige le journal Rupture, qui est un journal farouchement anti-islamiste. Donc c'est très compliqué de pouvoir cette dame dans l'extrait, de savoir où on va. Et c'est pour ça, je pense qu'en bonne partie, les intellectuels ont compris la guerre civile comme une guerre contre l'intelligence à ce moment-là, parce qu'ils ont une compréhension un peu anachronique de la période. Ils la comprennent avec leur expérience justement de lutte pour la liberté d'expression dans les années 80. Avant, les fondamentalistes étouffaient l'intelligence par la censure. Aujourd'hui, les islamistes la tuent. Donc ils comprennent pas qu'on est passé qu'on est passé d'un mouvement culturel à un mouvement politique, où la mise au pas par les islamistes de la culture n'est qu'un élément somme toute d'un programme secondaire politique. D'un programme beaucoup plus vaste, et dont l'enjeu est avant tout la prise de pouvoir politique, après que le fils a été frustré de la victoire en 92. Oui, c'est un élément quand même très important. Parce que il y a vraiment une rupture culturelle énorme qui se fait à cette époque-là. C'est-à-dire que entre 1989-1990, l'ambiance est extrêmement tendue en Algérie. Il y a tout un tas de débats, par exemple, qui peuvent paraître très anecdotiques aujourd'hui, mais une des grandes discussions à l'été 1990, quand les islamistes ont remporté les mairies, c'est de savoir si on interdit ou non le port du short pour les hommes. Et donc les islamistes avaient bien mis le doigt, les islamistes algériens s'en sont quand même beaucoup pris à ces élites francophones, à ces intellectuels, à ce França. Il y avait vraiment quelque chose de très fort, qui divisait la société algérienne. Et effectivement, les Algériens qui défendaient un mode de vie assez libéral, etc., ce sont eux qui sont aussi, sont rangés du côté du pouvoir et de l'interruption du processus électoral, parce que ils se sentaient menacés dans leur mode de vie. Et c'est ce que promettaient les islamistes, parce que il y a quelque chose là qui s'enracine quand même dans l'histoire algérienne, où on a déjà à l'indépendance quand même une Algérie, une certaine Algérie, bien sûr, qui est minoritaire, mais qui a fréquenté les Européens et qui a subi une acculturation, qui a un mode de vie, une petite bourgeoisie algérienne des villes, qui aspire à un mode de vie semblable à celui des Européens. Et puis, en 62, on a tous ces ruraux, ces maquisards, etc., qui arrivent et qui ont beaucoup de mépris ou de rancœur contre cette bourgeoisie algérienne. Donc, dans les années 1990, on a encore cette division dans la société algérienne où on a un vrai, une vraie distance sociale et culturelle entre les uns et les autres. Mais d'ailleurs, une des premières catégories aussi à manifester, c'est quand même les femmes, parce qu'il y a quand même le code de la famille qui ressurgit au début des années 80 et elles perçoivent très bien que et le fils va se réapproprier évidemment ça voilà, logiquement elles perçoivent très bien que leur liberté est menacée. Tristan Le Perrier. Oui, non, complètement. Effectivement, il faut replacer les années 90 dans une histoire beaucoup plus longue. Depuis les années 80, il y a le rapport de force au sein du pouvoir algérien a basculé en bonne partie du côté des fondamentalistes qui ont mis en place le code de la famille qui finit par être appliqué en 84. Et donc, il y a tout un ensemble de manifestations, de contestations qui se développent et donc qui se poursuivent jusque dans les années 90 où effectivement les femmes sont très engagées. Les femmes, certaines femmes sont très engagées contre les islamistes. Et puis Laetitia Bucaille, il faut tout de même mentionner que la difficulté dans ce début d'année 1990, c'est de prendre position depuis la France vis-à-vis de ce qui est en train de se passer, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, le ressentiment anti-français lié à la question de la colonisation et de la décolonisation est encore très présent dans l'Algérie de ces années-là, et que on voit bien un pouvoir qui réprime en particulier pendant le printemps 88, mais on ne sait pas très bien comment se positionner en France, les présidents, les gouvernements, mais aussi les intellectuels français qui ne savent pas très bien comment se positionner par rapport à ce qui est en train de se passer en Algérie. Une interruption de processus électoral, la possibilité d'arriver des islamistes au pouvoir, la répression qui s'ensuit, etc. Tout cela, ça paralyse un peu l'opinion publique. Mitterrand réagit à l'interruption du processus électoral en disant qu'il faudra que ce processus électoral parvienne à son terme, ce qui est perçu évidemment comme une critique énorme de la part du pouvoir algérien. Le pouvoir algérien va reprocher très durablement à la France ses positions soi-disant pro-islamistes. Elles ne sont pas tout à fait pro-islamistes, mais on est quand même avant 2001. Et c'est vrai que dans certains cercles français, on défend l'idée d'un processus électoral qui aurait dû aller à son terme. On défend cette idée de la démocratie pluraliste et de la victoire des urnes. Donc finalement, il y a certains islamistes algériens qui obtiennent le statut de réfugiés en France au début des années 90, mais il y a aussi des intellectuels algériens qui obtiennent la possibilité de séjourner en France. Finalement, le pouvoir français va prêter main forte au gouvernement algérien et va l'aider à acquérir des crédits, à moderniser son armée et à se consolider en tant que pouvoir. Sur la renégociation, Tristan Le Perrier. La renégociation de la dette auprès du FMI, oui. c'est par le soutien du gouvernement français, mais qui est passé à droite à partir de 1995. Alors en 1993, Gilles Lapouche sur France Culture interviewait l'écrivain Mohamed Dib sur le Parlement universel des écrivains et sur la question de la langue d'écriture, qui était une des questions essentielles dans les débats de la fin des années 80 et du début des années 1990 en Algérie. Mohamed Dib, vous êtes, je crois, un de ceux qui participaient en effet à la création de ce Parlement des littératures, des écrivains internationaux. Vous êtes aussi un de ses fondateurs, je crois. Eh bien, je me permets de reprendre un mot. Il n'a pas été créé encore. Il est en voie de création. Oui. Donc, il y a des personnes dont je fais partie qui ont donné leur adhésion dès que l'appel leur a été envoyé. Parce que à l'origine, il y a un appel. Et donc cet appel qui émane de Strasbourg, de la Coulamart, de Nancy, oui. Et nous avons été les premiers à plus ou moins fixer les termes de cet appel et de donner, par voie de conséquence, notre adhésion à ce projet. Oui, mais le détonateur du projet, enfin, je veux dire, la raison pour laquelle vous avez tout de suite adhéré, j'imagine qu'il y a la situation algérienne. C'est tout à fait certain, et la situation en Algérie, mais qui n'est pas propre seulement à l'Algérie, qu'on retrouve ailleurs. Je ne citerai pas tout le monde. Oui, on peut citer Rushdie, Sarajevo, mais on oublie aussi les autres. Hein. On oublie les autres, et c'est sûr que sans beaucoup chercher, on trouverait pas mal. Est-ce qu'il y a, alors pour en venir à l'Algérie, moi, ce qui me paraît extrêmement impressionnant et significatif aussi et éloquent, c'est qu'en Algérie, nous avons eu malheureusement une série d'intellectuels, c'est-à-dire des journalistes, c'est sûr, d'écrivains, de poètes qui ont été assassinés parce que simplement ils écrivent. Je veux dire, c'est pas en tant qu'opposants, ils sont peut-être opposants, ils sont sûrement opposants, ils sont opposants qui écrivent. Mais, et c'est là où ça joue. Les deux choses vont ensemble. Le fait d'écrire est un fait de contestation, d'une manière générale. Et dans des pays où les régimes sont dictatoriaux, dans ces pays-là, toute écriture a un sens contestataire qui est mal reçu de la part des autorités. En Algérie, je dirais en plus que ces personnes assassinées sont des martyrs aussi de la langue française, parce que il se trouve évidemment que la plupart d'entre eux écrivent en français, mais parce que écrivant en français, ils pouvaient dire ce que leur langue maternelle ne leur permet pas toujours de dire. Tristan Leperlier, c'était donc Mohamed Dib, l'écrivain, interrogé par Gilles Lapouche sur France Culture en 1993. On est au cœur de votre travail sur les écrivains dans la décennie noire, publié l'année dernière au CNRS Éditions, puisque cette question de la langue d'écriture est une question essentielle et qu'elle divise, là aussi, pendant cette décennie noire, ceux qui commentent cette actualité tragique. Oui, c'est vraiment la question linguistique qui est très importante, déjà d'un point de vue sociopolitique en Algérie. C'est un enjeu identitaire, c'est un enjeu socio-économique, puisque on peut parler d'une forme de discrimination linguistique à l'égard des arabophones s'ils n'ont pas accès à des postes qui sont en français, ou des francophones pour des postes qui sont en arabe. Et puis il y a un débat dès avant la guerre civile, la question des langues à autoriser, 62. Le berbère, le tamazigue, enfin donc berbère devenu tamazigue, ou encore la question de l'arabe dialectal rentrant dans au même niveau que l'arabe littéraire, par exemple. Tout à fait. Et c'est enfin un enjeu politique, puisque c'est c'est la question linguistique est instrumentalisée dans les luttes entre groupes politiques au sein du pouvoir. Mais c'est aussi un enjeu important dans le champ littéraire, puisque suivant la langue que vous dans laquelle vous écrivez, vous n'avez pas le même type de reconnaissance. Mm-hmm. Si vous écrivez en arabe, vous allez avoir une reconnaissance vous allez tendanciellement avoir une reconnaissance par les institutions étatiques. Si vous écrivez en français, vous allez avoir un public d'élite plus large, et surtout l'accès à l'international. Et en fait, l'opposition. Vous pouvez avoir accès par international en arabe par Beyrouth. Tout à fait. Tendanciellement, je parle. Oui. Tendanciellement. L'opposition entre langue française et langue arabe dans le champ littéraire, c'est en fait un rapport différencié au type de reconnaissance auquel on a accès, une reconnaissance nationale ou internationale. Et c'est ça qui permet d'expliquer les prises de position politique dans la période. Non pas la question linguistique. En deux mots, les écrivains pro-islamistes, ce sont ceux qui ont une reconnaissance, qui sont dans le champ littéraire, à l'extrémité du pôle national du champ littéraire. Ce sont ceux qui considèrent que la littérature a une fonction pédagogique, nationale. Ce sont des enseignants. La littérature doit promouvoir des valeurs nationales, entre autres religieuses donc, et leur seule reconnaissance est une reconnaissance nationale. Expliquez bien aussi, Tristan Leperlier, que ce n'est pas forcément une question de génération. C'est ça. On aurait pu croire qu'il y avait une génération plus internationale francophone, une génération qui redevient plus arabophone. Enfin, tout ça se mélange. Enfin, oui, toutes ça, ces générations ça se mélange. D'autant que là, je parle en tendance, ce qui est particulier à cette guerre civile aussi, c'est qu'il va y avoir une bipolarisation. Enfin, la guerre civile n'est pas une guerre des langues, clairement, c'est ce que je montre, mais en partie, elle l'est devenue. D'une part, dans les représentations, là, on a entendu Mohamed Dib, et d'autre part, aussi dans les faits. C'est qu'à un moment donné, de fait, quand vous êtes un écrivain anti-islamiste, vous ne pouvez plus publier quelle que soit votre langue d'origine, parce qu'il y a beaucoup d'arabophones, vous ne pouvez publier qu'en France, en français, comme Wassim Laharech par exemple, et il ne reste plus en Algérie que des écrivains pas trop hostiles aux islamistes, publiant en arabe. Donc il y a eu, c'est pas, cette guerre civile n'est pas une guerre des langues, très clairement, c'est ce que je montre, mais elle est en partie devenue. Laetitia Bucaille, c'est important justement cette question de la langue, parce qu'il y a eu le processus d'arabisation qui a précédé dans les années 80 en particulier, ces années 1990 si terribles en l'occurrence, et on en sort comment justement de cette question de guerre des langues, s'il y a eu une guerre des langues qui à la fin, comme le dit Tristan Leperlier, a bien eu lieu malgré la volonté des acteurs de ne pas la mettre en œuvre. Je ne sais pas comment on en sort. On pourrait en sortir par le haut en promouvant un bilinguisme de qualité. Il y a des problèmes très concrets hein, qui se posent pour des jeunes de familles arabophones qui n'ont pas tellement accès, qui ne sont pas issus de milieux favorisés. Ils sortent de l'école qu'ils ont fait entièrement en arabe. Ils ont appris le français comme une langue étrangère, donc ils le maîtrisent mal. Ils arrivent s'ils se dirigent vers une filière scientifique, ils se retrouvent à étudier en français, langue qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et là, il y a quand même un effort à faire pour ces étudiants considérable pour être au niveau. Ils se retrouvent au moment de l'université à étudier dans une langue étrangère. Et ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que les élites algériennes, le pouvoir algérien, tout en arabisant le système d'enseignement, a bien continué à envoyer ses propres enfants dans des écoles françaises, francophones, à l'étranger, etc. Oui, c'est ça. En fait, il y a eu une véritable démocratisation de l'arabe avec un vrai succès, contrairement à ce qu'on entend souvent. Mais il y a aussi eu une élitisation du français. C'est-à-dire que le français n'a pas du tout disparu et il n'est plus accessible en réalité qu'à une élite. Oui, alors que c'était depuis les années 50, donc avant l'indépendance, et puis encore dans les années 60, ça a été aussi une langue de démocratisation, le français en partie. Et est-ce que c'est comme ça justement que les fondamentalistes aussi arrivent à scinder la société, enfin, d'une certaine manière, en faisant du populisme, en disant, ben voilà, les francophones, le fait d'écrire en français, c'est être occidentalisé. Et déjà, Boudjedra d'ailleurs, hein, pour sa publication La Répudiation, notamment en 1969, avait été accusé d'occidentalisation, de critiquer l'Algérie en français à l'extérieur. Et ça, évidemment, c'est du grammout pour les fondamentalistes qui veulent attirer les voix de la population et plutôt des catégories peut-être modestes, je ne sais pas. Oui, il y a une vraie instrumentalisation de la question linguistique, mais c'est vraiment, comme tout à l'heure elle a dit Laetitia Bucaille, il y a une intériorisation aussi de ces représentations qui est indéniable. Et sans compter qu'il y a pas simplement deux langues, mais au moins trois langues en Algérie. يا الفرقة ثرمية ثنقين يا تسقية خنت ثغزة دوث مذلين تفغد ثغريب صرار حبوها ثروان دوث مذلين تفغد ثغريب صرار حبوها ثروان لكن زايلين صب راسي المحلى في سفلا نغلي في الزير وزكا لكن زايلي ورد سرويا خاصت رجال جتسا تفسي فيك دور تمتسا ترام Kenza, donc un titre de Lounès Matoub, donc une chanson écrite en hommage justement à Tahar Djaoud dont on parlait tout à l'heure après son assassinat en 1993. Lounès Matoub qu'on retrouve dans les manifestations ces temps-ci, son portrait est brandi un peu partout en Algérie, en particulier avec cette phrase « Il faut construire une Algérie meilleure », disait-il, avant d'être lui-même assassiné, je crois que c'était en 1998 en l'occurrence. cette question de la berbérité est aussi une question importante qui a été mise en jeu pendant toute cette période-là et qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui à être un point très fort de débat dans la société algérienne contemporaine, Tristan Leperlier. Oui, c'est une question qui est apparue dès le mouvement dès le mouvement national dans les années 40. Les grands jalons, c'est bien sûr 1980 avec le printemps berbère, l'annulation d'une conférence de Mouloud Mamri qui a mis le feu aux poudres en Kabylie. Et ensuite, le mouvement devenu non plus berbère mais amazir a progressivement gagné du terrain auprès des élites politiques. Et donc vous avez eu progressivement l'instauration du berbère dans les programmes. Puis après 2001, qui est le printemps noir en Kabylie, donc encore de grandes émeutes avec de nombreux morts, vous avez en 2002 la reconnaissance de la langue amazigh comme langue nationale et en 2016 comme langue officielle. Cédric Attard. Oui, alors on voulait écouter l'archive d'un autre écrivain effectivement très connu, Rachid Boudjedra, hein, qui a un parcours assez particulier justement durant cette guerre civile, Tristan Leperlier, puisque il écrit en français, mais il est aussi arabophone, et il représente un petit peu l'Algérie à l'extérieur et le front anti-islamiste, évidemment. On écoute cet archive de 1997, 29 novembre 1997. Il est interrogé par France 3 Reims. Venons-en à présent à l'invité de ce journal. C'est l'écrivain algérien le plus traduit dans le monde que nous recevons ce soir en la personne de Rachid Boudjedra, un écrivain qui est aussi censuré dans son pays et condamné à mort par les islamistes. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous étiez à Reims cet après-midi pour parler de la situation en Algérie. Et c'est aussi cet après-midi que l'on a appris qu'un nouveau massacre a été commis dans votre pays. 29 personnes ont été égorgées ces jours derniers au sud d'Alger. Alors, la violence qui frappe l'Algérie a fait notamment basculer votre vie, monsieur, depuis une quinzaine d'années. Vous êtes aujourd'hui menacé de mort, je l'ai dit, à cause de vos écrits. Comment vous vivez cette situation? Vous savez, je la vis comme tout résistant. Je ne suis pas le premier ni le dernier résistant. Je pense que les résistants français de la région particulièrement connaissent cela. Vous savez, il n'y a pas vraiment de courage ni de lâcheté. Je considère que et le courage et la lâcheté sont ordinaires. En fait, confronté à une situation, à partir du moment où on est convaincu, on a une conviction, on va fonctionner dans cette conviction. Je suis convaincu que mon pays n'a rien à voir avec les intégristes, et ils le prouvent bien d'ailleurs, en égorgeant les enfants et les bébés, et les femmes, et voilà pourquoi. Mais comment vous viviez aujourd'hui au quotidien? Vous êtes venu jusqu'à chez nous, une petite anecdote, vous êtes très protégé aujourd'hui, vous vivez dans la clandestinité, comment ça se vit ça? Je vis dans une semi-clandestinité, en particulier dans la région d'Alger. Autrement, dans toute l'Algérie, je vis tout à fait normalement. Je rappelle ici aux auditeurs que l'Algérie est un pays de 2,5 millions de kilomètres carrés et qu'il y a à peu près 140 kilomètres carrés qui ne sont pas sécurisés. Malgré les menaces, pourquoi continuer aujourd'hui à écrire et témoigner? Je n'écris pas pour témoigner. D'abord, je suis un écrivain, un romancier d'abord. Donc mon travail, c'est d'écrire des histoires au fond. Et mon dernier roman, La vie à l'endroit, c'est une histoire. Ce qui se passe dans une Algérie particulière quand même, celle de la violence dont vous venez de parler. Et simplement, c'est mon métier. Je crois que si je regardais simplement par rapport à aux grands écrivains que j'admire en France, je pense tout de suite à Malraux, je pense à Camus. Au moment de l'occupation, Camus a créé Combat, et Malraux, vous savez ce qu'il a fait dans la Résistance et dans la guerre d'Espagne, et surtout, ça a été de grands écrivains. Alors on entend bien Tristan Leperlier, Rachid Boudjedra, des références à la Résistance française, à Malraux, à Camus, et puis voilà, j'écris quand même pour témoigner, et ça aussi vous en parlez hein, dans vos recherches, c'est-à-dire qu'il va y avoir une kyrielle évidemment de récits entre le témoignage et la littérature, peut-être parfois davantage, il s'agit davantage de témoignages, hein, d'écrits journalistiques qui vont parler de cette guerre civile, alors pour des raisons aussi qui peuvent être stratégiques. Et c'est ce dont on peut discuter justement avec Rachid Boudjedra, parce qu'il va être aussi soupçonné de stratégie éditoriale. Tristan Leperrier. Ce qu'il faut voir, c'est que, en fait, cette archive est vraiment intéressante parce qu'elle permet de voir la complexité de la circulation des hommes et des idées entre l'Algérie et la France. Rachid Boujdedra, il est vraiment en danger de mort. Ça, c'est très très clair. En même temps, quand le journaliste dit censuré dans son pays, ça c'est faux. Il n'est pas censuré depuis les années. Il a été censuré au début des années 60. Il ne l'est plus dans les années 80. Et dans les années 80, il ne l'est plus en tant que tel par le pouvoir algérien puisqu'il est, il a fait partie dans les années 80, c'est un des grands écrivains officiels. Donc toute cette complexité-là du rapport au pouvoir algérien est complètement arasée en France. Et par ailleurs, ce qu'on voit dans cette archive, c'est la difficulté en tant qu'écrivain algérien à trouver un équilibre en particulier en France entre politique et littérature, puisque être engagé politiquement en tant qu'écrivain en Algérie, c'est tout à fait légitime. En France, ça l'est beaucoup moins. Donc comment trouver un juste équilibre, ça c'est très compliqué, et c'est pour ça qu'il en appelle à des grandes figures françaises de l'écriture engagée pour se faire entendre ici même d'une certaine façon. Laetitia Bucaille, justement, sur ces cas d'écrivains, puis en particulier sur cette ambiguïté du rapport entre France et Algérie dans cette période de la guerre civile et de ces années de décennies noires. Oui, c'est très compliqué en fait, parce que pour des Algériens qui effectivement sont plutôt du côté des qu'on peut classer comme libéraux, la référence à la France pourrait être naturelle, mais dans le contexte de la guerre civile où chacun des camps fait bien attention, rejoue un peu le combat contre la France pour justement puiser des sources de légitimité, ça devient très compliqué effectivement de faire référence à cette France, d'y séjourner, d'y trouver refuge. C'est une situation que les adversaires peuvent bien sûr exploiter contre ces écrivains, contre ces intellectuels. Et pourtant, un tiers des écrivains algériens, dites-vous, Christian Leperlier, au pic de la crise, vivent en France à ce moment-là. Parce qu'il faut fuir justement les assassinats possibles. Un quart des écrivains s'exilent majoritairement en France, ce qui fait que vous avez un tiers des écrivains algériens en France. Bon, c'est pareil, deux tiers des publications, donc c'est majeur. En fait, la France est vraiment un lieu fondamental pour comprendre aussi les enjeux à la fois littéraires et politiques de la guerre civile. Mais en précisant bien sûr que 90% des écrivains ne sont pas du tout pro-islamistes, même s'il y a des enjeux qui vont évidemment ressurgir justement à travers la langue, Tristan Leperlier, ils sont pas tous forcément sur le front, comme Boujdedra, mais ils sont pas pro-islamistes. Même Non, voilà, c'est la position pro-islamiste dans le champ littéraire est tout à fait minoritaire, c'est 10% des écrivains, la grande majorité, soit de manière très explicite, comme Rachid Boujdedra, anti-islamiste, soit plus de manière attentiste, parce que c'est très dangereux quand même. Et on peut dire tout de même que cette posture et cette place que tient encore la France dans la discussion publique, pourrait-on dire, en Algérie, ne s'est jamais interrompue. D'ailleurs, on entendait l'autre jour notre président de la République qui disait « Je ne peux pas prendre de position contre le gouvernement algérien ». Tout à fait, je crois que c'est tout à fait sage, parce que les Algériens ont très vite fait de reprocher toute prise de position de la France. Et d'ailleurs, dans les manifestations, on le voit, on voit que certains manifestants ont des pancartes qui mettent en garde les États-Unis et la France de ne pas intervenir, de ne pas s'ingérer. Il y a un fantasme de part et d'autre, c'est-à-dire qu'on soit du côté de l'opposition, des islamistes, ou qu'on soit du côté du pouvoir, que la France aiderait toujours l'autre camp et qu'elle serait en sous-main en train d'aider les ennemis de l'Algérie. Parce que un des grandes colonnes vertébrales du discours du pouvoir algérien, c'est l'ennemi de l'intérieur. Et l'ennemi de l'intérieur, bien sûr, c'est ceux qui sont du côté des Français, le Hezb Fransa. Et les puristes sont toujours, Laetitia Bucaille, les premiers chefs du FLN, qui sont aussi brandis en ce moment. Ben Midi, Ali Lapointe, la bataille d'Alger. Ça reste une référence incontestable dont les jeunes Algériens ne se défont pas. Tristan Leperlier. Juste, c'est quelque chose que traite Thomas Serre dans son livre qui vient de sortir, chez Ramatan Kartala. J'ai oublié le titre, mais c'est quelque chose d'important. Merci en tous les cas, à tous les deux. Merci Laetitia Bucaille. Et merci à vous, Tristan Leperlier. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Clément Daté était à la technique aujourd'hui et Séverine Cassard à la réalisation. C'était Algérie, naissance d'une nation, le traumatisme de la décennie noire, deuxième numéro d'une série de quatre émissions, diffusée la première fois le 2 avril 2019 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.